ciel bleu, partez-vous seul, c'est dangereux. Emmenez-moi, on conduit mieux quand on est deux. Je vois tout près de vous un coin qui me plairait beaucoup. Je m'y tiendrai, docile et doux, comme en toutou. Mieux qu'un chien, je vous l'assure, je garderai la voiture. Allons, minois jolie, n'hésitez plus, dites-moi oui, je connais le chemin du paradis.